Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, le thermomètre monte, une série documentaire de Lydia Ben-Itzrak réalisée par Doria Zénine. Au départ de cette série, il y a la COP24, le projet de faire un constat et de voir ce qu'on produit comme dégâts, ces quelques tout petits degrés en plus pour mieux dérouler les effets boule de neige, d'engrenage ou domino qui nous promettent boule de feu et pluie de cendres. Au Portugal, les braises sont encore chaudes. Alors pour commencer, les personnages. Un couple absent, par chance, des pompiers impuissants, une femme qui prépare sa réserve d'eau, un militant de l'environnement, des habitants pris au piège, des gendarmes désemparés, un spécialiste des sols et de la prévention, et des étudiants. Ensuite le décor. Un village en cendres, des vents cycloniques, 3 feux de front, une vitesse vertigineuse, des flammes dans l'air, des voitures fondues, 800 maisons brûlées, des familles sans logis, des étés interminables et brûlants, des canadaires, des incendies impossibles à éteindre, des pins fantomatiques, les conséquences de la crise, des eucalyptus et des sols devenus stériles. Aujourd'hui, 3e épisode, on ouvre un journal. Sim, de facto, eu comprei alguns jornais no âmbito dos grandes incêndios que ocorreram este ano em Portugal. Foram muitos incêndios. Só no dia 15 de outubro existiram mais de 500 incêndios. Voici plusieurs articles de journal que j'ai pu rassembler concernant les incendies. Et rien que le 15 octobre, il y a eu plusieurs foyers d'incendie au Portugal et il y a plus de 1000 hectares qui ont brûlé en une seule journée. 200 000 hectares qui ont brûlé en une seule journée. Portugal 2017, face aux incendies. On est dans le bureau en fait de cette association Quercus et c'est assez amusant parce qu'on dirait une petite cabane en bois perdue au milieu de la forêt et la déco est très raccord avec le sujet sur lequel travaille Domingos Patacho. Le titre du journal, c'est Courrier de... Courrier de manhã, le courrier du matin. D'accord. Ça, c'est quel titre, le... C'est I. I. D'accord. Este é um jornal de notícias público. É um outro jornal. Sans mort, sans excuse. Ce sont des journaux nationaux ou... Oui, nationaux. C'est le quotidien le plus connu. Public. 4 mois, plus de 100 morts, 60% des moyens aériens n'étaient déjà plus disponibles de la pire journée de l'année. Il faut bien expliquer qu'il y a 115 personnes qui sont mortes en deux journées parce qu'il y a un espace de 4 mois, mais en fait, ces 115 personnes sont mortes en deux journées. Là, on arrive dans un tout petit village, Travanca de Mondego. On va rentrer dans la maison de Monsieur Noguera. On a traversé un village qui a été vraiment attaqué par les flammes. Il y a des maisons qui sont en ruine. Et là, on passe sous l'entrée de ce monsieur qui avait une vigne suspendue, qui a entièrement... Il n'y a plus que du charbon, en fait, suspendu. C'est vraiment très spectaculaire. Et c'est une famille qui a échappé aux flammes parce qu'ils étaient justement absents au moment où ça a flambé. Et là, on a des voisins qui vont nous rejoindre... On va rentrer dans sa maison. Donc, Travanca de Mondego. On est donc dans la maison de Alice et José qui donc ont vécu quand même dans ce village. On n'a pas vu les flammes, mais... On a vu, on est arrivé et on a retrouvé tout brûlé. Sauf la maison. C'était l'incendie de quelle période ? Le 15. Comment c'est le 15 ? Octobre ? Oui, un dimanche. Il y avait un temps de braise vif encore, quand on arrivait. Ah oui, donc ça voulait dire que le feu pouvait reprendre à n'importe quel moment ? Exactement. C'était avec le bois, ça brûlait complètement le mur là. Mais ça n'a pas brûlé la maison, là. Il y a eu de la chance. Le vent. Le vent, il a poussé. Hein. Parce que dans les Açores, il y avait à avoir un. Comment dire un... Il y Une tornade. Voilà. L'eau, elle est partie en Angleterre et le vent, il est venu par là. Donc le vent à 180, 200, et jusqu'à là. Donc, il y a un monsieur qui avait dit, même s'il y avait 5000 pompiers avec les ils n'arrivaient pas à arrêter le feu. C'est dur. C'était des vents pratiquement cycloniques, donc ça a aidé à se propager à des kilomètres de grande dimension. Le ciel était tout gris et il y avait des cendres, et ça a été vraiment des incendies du Portugal. Et on parle donc de la Bretagne, même des Pays-Bas, que ce serait monté jusqu'aux Pays-Bas ? Tout à fait. Les côtes bretonnes ont eu ce genre de... Donc ces cendres, le ciel qui était voilé, aux Pays-Bas également, il y a eu des témoignages, et notamment aussi en Finlande. Donc vraiment, ça a été très loin, ça s'est éparpillé très loin. Nous, on y a été une semaine après, voir les dégâts. Et c'est vrai que c'était impressionnant, parce qu'au bout d'une semaine, la terre fumait encore. Il y avait des troncs qui étaient encore en fumée. Et effectivement, c'est pas qu'un incendie quelconque qui est arrivé. C'est des changements du climat qui sont en train d'arriver. Et les gens doivent prendre conscience qu'il faut faire quelque chose. C'est dur. Enfin, c'est comme ça. Ah tiens, il y a quelqu'un. Ah, ouvrez, ouvrez là. Et ça, c'est les gens. Oui, entrez. Ah, entrez. Bonjour. Là, c'est ce monsieur-là qui a la maison, il a brûlé. Alors, vous habitez ici, dans ce village? Oui, dans ce village, oui. Oui. Et vous étiez là le jour du fameux incendie. Oui. Vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé? Alors, le feu, il a commencé le matin, très tôt, 6h30 par là, mais très loin. Donc, on n'était pas très inquiets. On a fait notre vie normalement, parce que des feux au Portugal, on en voit tous les jours, malheureusement. Comment vous l'aviez appris, celui de 6h30 du matin ? On le voit. Ah. On voit la fumée, on entend les infos. La première chose que je fais le matin quand je me lève, c'est écouter les infos. Et ça ne nous inquiétait pas trop. C'était très loin. On est parti déjeuner chez les beaux-parents, tranquillement. Et ça s'approchait un peu du côté d'Oliver et de l'hôpital. Ça s'approchait quand même. Ça s'approchait de plus en plus. Le feu, il avançait sous la montagne, à Serra da Estrela. Dans le même jour, il y avait trois feux. Il y avait le feu de Lausanne, qui était celui qui était le plus près de chez nous. Un autre feu en Livelle d'Hospital et un autre feu en Seille. Les trois feux ont commencé à peu près au même moment, dans une ligne horizontale, si on va appeler ça comme ça. Mais ils étaient tous assez loin. Après d'avoir déjeuné chez mes parents, on s'est rendu compte qu'avec la fumée qu'il y avait dans l'air, les feux se rapprochaient. Donc on est rentré à la maison. Et sur le chemin, c'était déjà tout noir, le ciel était tout noir de partout. On s'est vite rendu compte que c'était pas un feu normal comme il y avait les autres, comme il y avait normalement. Et c'était une journée où il y avait beaucoup de vent. Quand on est arrivé à la maison, on est arrivé sous le coup 4h l'après-midi. Et on s'est rendu compte que le feu était déjà de notre côté de la montagne. Il avait donc passé déjà Lausanne, Villanova de Poyage, et qu'il était déjà dans notre département. Mais dans notre département, il quand même été un Frioumj, et on s'est dit, bon, un feu normal, normalement, ça vient. On avait la rivière entre le village où c'était et puis nous. En principe, il va arriver à la rivière, ils vont l'éteindre, il n'y a pas de problème, on n'était pas trop préoccupés. Nous avons une fille qui étudie à Lisbonne et il fallait qu'elle prenne son train pour, parce que lundi elle avait les cours, donc à Lisbonne il fallait prendre son train. Elle avait le train à 6h de l'après-midi à Coimbra. Donc sous le coup de 5h, il est sorti de la maison donc avec Marina pour l'emmener à Coimbra. Et moi je surveillais le feu. On s'est rendu compte vite fait qu'avec le vent qu'il y avait, que c'était pas un feu normal. J'ai étendu mes tuyaux d'arrosage, j'ai rempli deux grandes bassines, des bassines de 1000 litres, j'ai rempli deux bassines de 1000 litres d'eau dans le cas où l'électricité, on n'aurait plus d'électricité ou plus d'eau, donc manière à avoir une réserve d'eau pour pouvoir avec des seaux éteindre le feu si c'était nécessaire, mais Jamais on aurait pensé que le feu arriverait comme il est arrivé, et jamais, surtout sur notre maison, puisque nous n'avions rien qui puisse brûler. On avait un gazon très très ras, enfin c'était plus du gazon parce qu'avec la sécheresse c'était jaune, mais enfin ça brûlait plus. On avait des arbres de fruits autour de la maison, donc rien qui disait ça va s'incendier. Donc on était à peu près tranquille. Et puis, je sais pas, il était quelle heure ? 6h moins... 6h. Il était un peu moins de 6h, 6h moins 10 par là. J'ai reçu un coup de téléphone d'une amie, parce qu'en attendant, j'ai vu que le feu se rapprochait. Et j'ai téléphoné à une amie qui habite à Paris, et je lui ai demandé où ça en était. Et elle me dit, mais le feu, il est arrivé au Bec. Donc c'est un village pas loin de chez nous. Je dis, pas possible, il est déjà au Bec. Elle me dit, oui. Et deux minutes après, elle me rappelle et dit, il est déjà à Paris. C'est pas possible, Dubaï, à Paris, deux minutes, c'est pas possible. Je téléphone à mon mari, je lui dis, dépêche-toi, parce que le feu est arrivé au Bec, à Paris. Mais il m'a pas cru, parce que Frioum, normalement, on met pas autre, ça, mais je lui dis, mais dépêche-toi. Et 9 minutes après, le feu était chez nous. Enfin, 9 minutes après, le feu brûlait ma maison. Donc il a mis 9 minutes pour faire une quinzaine de kilomètres. C'était affolant à voir, on n'a pas eu le temps de réagir. C'est un feu comme on n'a jamais vu. Comme a dit mon mari, des feux, on en a vu plein au Portugal. Nous tous, on a vu des feux. On sait ce que c'est un feu. Mais ça, ce n'était pas un feu. Les flammes étaient transportées par le vent. Donc l'air, le vent, il y avait des flammes dans l'air. Mais des grosses flammes, c'était pas des trucs incandescents qui étaient transportés par le vent et qui atterrissaient. C'était des boules de feu qui volaient. Le feu après arrivait 100 ou 200 mètres après. Le feu normal qu'on connaît à ras du sol. Et ces boules de feu qui étaient transportées par le vent, des vents de plus de 100 km/h qui nous balançaient contre les murs. Donc ces boules de feu, où elles atterrissaient, le feu continuait. Donc, et nous, là-haut, à la maison, en 2 secondes, le feu atterrit. Donc les boules de feu ont atterri sur le toit, ont atterri sur les fenêtres, ont atterri où elles ont atterri. Donc notre maison avait quand même une charpente en bois, on avait des volets en bois, des fenêtres en bois, mais tout le reste était en béton. Hein, et quand la maison, donc j'étais toute seule avec mon beau-fils, parce qu'il était toujours à Coimbra. Et quand j'ai vu la maison en train de brûler, je n'arrivais plus à respirer, tellement il y avait de fumée, de vent, c'était impensable. Mon beau-fils m'a pris par le bras, il m'a dit « il faut qu'on s'en aille ». Et c'est logique, je n'ai pas voulu partir, mais il m'a obligée à partir. Et on est parti, et aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure chose que j'ai faite. J'ai eu plein de remords pendant pas mal de temps. Je me disais « si je serais restée à la maison, non. Peut-être que j'aurais réussi à la sauver ». Non. Une semaine après, je suis retournée à la maison et quand j'ai vu le lancil de béton entre ma maison et la maison de ma belle-fille qui est à côté, le lancil était complètement pourri. Les bordures étaient pourries par la chaleur qu'il y a eu. Donc si je serais restée, je serais peut-être pas morte brûlée, mais je serais morte avec mon intérieur qui a brûlé parce qu'il y a eu fait plus de 1000 degrés. Les fenêtres de l'autre maison, elles ont fondu et elles se sont moldées sur le peu qui reste de la maison. Les jantes en aluminium de la voiture de ma fille, elles ont fondu complètement. En nous sauvant, on était complètement dans le noir, on ne voyait rien. On a conduit complètement à l'aveuglette, parce que la fumée était tellement noire qu'on ne voyait rien. Et il y avait les flammes qui longeaient le goudron. Et je me disais, on va mourir dans la voiture, parce que la voiture va s'incendier, on va mourir ici. Et avec les téléphones portables, vous aviez des nouvelles de votre femme, ça marchait plus ? Ah non, toutes les antennes étaient brûlées. Ah oui, il n'y avait plus ni de portable, ni de fixe, ni électricité, ni internet. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus moyen de communiquer. De temps en temps. Et il débloquait quelques minutes de temps en temps. Trois, quatre minutes, on arrivait à parler. La dernière communication que j'ai eue, c'était ma femme qui disait, la maison est en train de brûler, nous, on s'en va. On fuit. À partir de là, plus rien. C'était le pire. Savoir ce qui était en train de se passer, ne pas pouvoir communiquer, savoir ce qui était, quelle était la suite. Et ici, dans le village, nous avons une dame qui est décédée, qui est morte dans sa maison, brûlée. Le mari a réussi à sortir. Et quand il allait venir chez sa femme, il y avait un rideau de feu devant la porte, donc il n'a pas pu la récupérer. Et elle est morte donc dans la maison, complètement brûlée. Dans le village d'à côté, un autre monsieur aussi qui est mort. Il a été pour chercher son tracteur, pour se sauver avec son tracteur. Et il n'a pas survécu aux brûlures. Nous avons tous dans un rayon de je sais pas combien de kilomètres, puisque le feu, à une journée, a réussi à détruire tout l'intérieur du pays. Il est passé de la plage jusqu'en Espagne, pratiquement. Il a continué sur Vigo, donc en Espagne, en une après-midi, puisque le feu du matin s'est à peu près maintenu. C'est après l'après-midi, avec le vent, que ça s'est... Donc en une après-midi, il y a eu des centaines d'hectares de détruits en très peu d'heures. Et justement, c'est parce que c'était ces boules de feu qui... Il y a des gens qui ont vu des arbres qui se sont incendiés uniquement avec la chaleur. Ouais. Uniquement avec la chaleur. Des oliviers centenaires à être arrachés par le vent et incendiés dans l'air. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Et j'ai 50 ans, j'ai vu beaucoup de feux, mais j'ai jamais vu ce que j'ai vu. On fait un 360 degrés à notre et on voit que du noir. Il n'y a pas un arbre de fruits, il n'y a pas un arbre, il n'y a rien, pas de vert. On va avoir des années. Il va falloir des années pour remettre un paysage, pour refaire ce que... C'est pas les murs de ma maison qui me préoccupent. C'est tout ce qu'il y avait à l'intérieur que je ne pourrais plus jamais récupérer. On nous laisse complètement à l'abandon. Ça fait un mois et demi et personne ne vient me demander si j'ai où de vivre. Ouais. Vous vivez où alors? Vous êtes réfugié où du coup? On est dans une maison prêtée. Parce qu'après les trois feux se sont réunis après. Le nôtre s'est rejoint au feu d'Olivella d'Hospital et l'autre s'est rejoint à celui de Seille. Donc les trois feux se sont réunis et on n'avait pas où aller. Il n'y avait pas un pompier. Mais les pauvres, ils ne peuvent pas non plus être partout. Et puis, le feu allait plus vite qu'eux. Donc, ils ne pouvaient pas. Ils se sont retrouvés coincés derrière. Ils ne pouvaient pas venir. Alors, la première voiture de pompiers, elle est arrivée à 1h du matin. Ma maison, elle a brûlé à 6h de l'après-midi. Donc là, effectivement, vous êtes encore évidemment sous le choc si peu de temps après. Mais vous pensez que là, quand même, le pays a pris conscience de la situation. Par exemple, ne serait-ce que pour l'été prochain, est-ce que le Portugal sera prêt à affronter le prochain été après des incendies pareils? Il n'y aura rien de changé. Il n'y aura rien de changé. Moi, je dirais plutôt que nous avons deux Portugal. Nous avons le Portugal... Les campagnes, et nous avons Lisbonne-Porto. Et nos gouvernants oublient facilement leurs origines. Parce que la plupart de nos ministres, de nos députés, ils ont tous une base dans la campagne. Il y en a très peu qui sont nés à Lisbonne depuis 3-4 générations. La plupart, ils ont une origine à l'intérieur du pays. Que ce soit du nord ou du sud ou du centre, ils ont une origine. Et puis, ils oublient. Ils sont là-haut et puis ils oublient que leur grand-père, il était de Travanca ou il était de je sais pas d'où. Et ils oublient la réalité. C'est très beau, on va passer les vacances dans le centre du pays, c'est très bien, on y va, on passe une semaine, 15 jours, c'est beau, on est tranquille, on s'est reposé, on a pris du calme, c'est bien. Puis ensuite, ils repartent à Lisbonne, ils oublient complètement nos priorités et nos vies. Et puis c'est très beau, oh, on va inventer une nouvelle loi l'année prochaine, on va les obliger à qui ne nettoiera pas va payer une amende, etc. Ma maison, elle avait rien, c'était nettoyé, et elle a brûlé quand même. Donc on ne vient pas me dire qu'on va faire une loi pour nettoyer autour des maisons, ça ne sert à rien. Le feu qu'on a eu, ça ne sert à rien. Et nous, dans notre région, les 10 prochaines années, on est tranquille, hein. Il n'y aura pas de feu les 10 prochaines années, il n'y a rien à brûler. Dans 10 ans, il va falloir qu'on se préoccupe, mais pour l'instant, on n'a rien à brûler. Il n'y a rien. Alors à quoi ça sert tout ce qu'ils font, tout ce qui... Ça ne sert à rien. Qu'ils se déplacent, qu'ils sortent de leur bureau et qu'ils se déplacent, qu'ils viennent voir notre réalité. Quand on voit qu'à Kimpedrog, il y a eu une vingtaine de maisons brûlées, même pas, je crois que c'est même pas une vingtaine. Ils ont mis 6 mois pour faire les 2 premières. Quand est-ce qu'on va voir nos maisons, 800 habitations, elles vont être faites quand? Et en attendant, on fait quoi? Je vais attendre 2 ans, 3 ans? Je vais vivre 3 ans de charité? La personne qui nous a prêté la maison, c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est sa deuxième maison. C'est leur maison principale est à Coimbra, et ça, c'était leur maison, donc de venir passer les week-ends et les vacances. Ils ont abdiqué de leur maison pour qu'on puisse y être. Mais je ne peux pas y rester toute ma vie, je ne peux pas rester 2-3 ans sans une maison de quelqu'un, sachant que dans 20 jours, c'est Noël, et que peut-être qu'ils aimeraient venir passer Noël chez eux, et qu'ils ne peuvent pas parce qu'elle est occupée. Tout ça, c'est compliqué. On est dans un petit village qui est encaissé entre plusieurs vallées. On a les coteaux des montagnes. Il s'appelle Santa Cruz da Trapa. On voit qu'il y a des endroits qui ont brûlé, mais pas partout. Et puis, on se dit, peut-être un espoir, là, en haut d'une crête, on voit des éoliennes en train de tourner. Donc, en même temps, on se dit qu'il y a beaucoup de vent dans le coin. Et puis, peut-être, on commence un peu à prendre la mesure de la nécessité de réduire ces gaz à effet de serre. Le village est très joli. On a un oranger, là, juste à côté. Aujourd'hui, c'est très ensoleillé. On va essayer de voir si les pompiers d'ici ont eu à lutter contre les flammes pendant les différentes séries d'incendies. Oh. C'est le chat des pompiers. O nosso corpo de bombeiros e eu estamos muito habituados aos incêndios florestais. Os incêndios florestais é uma prática, estamos habituados, infelizmente, a tê-los. Nous sommes très habitués ici dans cette région aux incendies de forêt. Malheureusement, c'est ce qui se produit tous les ans. Ça se produit tout l'été. Normalement, les incendies de forêt se produisent au mois de juillet et août. Cela dépend des années, mais c'est toujours cette situation que l'on constate. Mais cette année a été très atypique puisque l'été s'est prolongé jusqu'au mois d'octobre, septembre, octobre. Et c'était du jamais vu. Et nunca esperávamos ter incêndios em outubro. Dans notre historique ici de la caserne et par rapport aux incendies, nous n'avons jamais eu d'incendie jusqu'à si tard. En octobre, on n'avait jamais eu d'incendie, en tout cas de cette dimension, parce que normalement, au mois d'octobre, il y a déjà un certain refroidissement des températures, il y a plus d'humidité, il pleut souvent. Donc, mais avant le 15 octobre, on a eu plusieurs incendies. Nous sommes très habitués à combattre des incendies de forêt. Il y avait eu des incendies déjà très grands qui avaient déjà exigé le déploiement de moyens aériens, de plusieurs véhicules et de plusieurs opérationnels. Et par rapport à ce qui s'est passé plus tard, c'est-à-dire le 15, on avait reçu des informations selon lesquelles c'était une journée très compliquée, qu'on avait des conditions climatiques adverses et qu'en cas de survenance, ça serait très difficile à combattre. Donc nous savions déjà que la stratégie et les moyens de combat devaient être beaucoup plus élevés et accrus par rapport aux années précédentes. Nous avions déjà démobilisé des entités de protection civile parce que nous nous attendions justement à ce qu'en raison il y avait vraiment un risque accru d'incendie. Et nous avons appris qu'un grand incendie était entré dans notre commune et nous avons mis plusieurs jours à l'éteindre. L'incendie du 15 octobre, nous avons mis 4 jours à l'éteindre. Je voudrais juste savoir s'il a eu vraiment peur pour sa famille et pour ses parents. O que eu reparei este ano, nós, associado a este incêndio no que diz respeito ao dia 15, En ce qui concerne la peur, je ne peux pas dire que j'ai peur parce que je suis préparé, ma formation m'empêche plus ou moins d'avoir peur. Mais en ce qui concerne cette année, plus particulièrement par rapport à l'incendie du 15 octobre, nous savons tous que ce sont les facteurs météo qui ont engendré ce comportement extrême du feu parce qu'il y avait des projections dans l'air, des projections de matériel, des projections incandescentes comme il n'y a jamais eu. Donc là où ces projections tombaient, cela prenait feu. Donc en ce qui concerne la peur, ce n'est pas une question de peur, c'est une question de respect. Le respect que nous ressentons quand nous sommes face au feu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette année, si on avait été le double, le triple des pompiers, on aurait été tout de même impuissant pour lutter au moment où on le voulait ou très rapidement contre ce feu en raison de cette... Ce n'était pas une question d'effectif parce que vu l'ampleur et l'intensité, on ne pouvait pas le maîtriser au moment où on le voulait. Et en raison de sa forme et de son intensité. On arrive en fait dans une forêt qui a brûlé apparemment plusieurs fois. On vient de passer une grande forêt avec des pins très très hauts qui ont l'air complètement dénudés. On a les troncs qui font, je sais pas, peut-être une quinzaine de mètres. Et les troncs sont complètement nus et là, ils verdoient seulement en altitude. Et ça fait comme une forêt de fantômes un peu. C'est très étrange. Il y a des fougères qui ont repoussé au sol. Et ici, on est dans une partie où là ce sont des sapins beaucoup plus petits, mais tout a brûlé, c'est plus que des brindilles toutes noires, on dirait un décor de film d'horreur. Le sol est complètement brûlé, noirci, il n'y a rien qui pousse. Et donc là on a Domingos Patajo qui va nous expliquer de quand datent les incendies de cette région. Aqui estamos numa zona do norte do concelho de Orém, que foi Donc nous nous trouvons à présent au nord de la commune d'Orém. Nous sommes dans la zone où il y a eu des incendies et ceci avant le grand incendie du 15. Il y a ici près de 1300 hectares qui ont brûlé. L'incendie a commencé dans la commune de Pombal. Nous avons ici une pinède verte qui n'a pas brûlé, donc c'est la première partie du terrain. Et maintenant nous nous trouvons à un endroit où réellement tout a été dévasté, tout a brûlé et cela a même brûlé deux fois, la première fois en 2005 et la deuxième fois en 2017. Alors pourquoi est-ce qu'une partie a brûlé et l'autre pas? Ici il y a beaucoup plus de densité d'arbres, il y a beaucoup plus de possibilités de combustion et cela est dû à un problème de gestion parce qu'en effet la population de la région est partie, a émigré notamment en France, donc il y a eu un abandon des terrains, de la forêt et comme il n'y a pas de gestion, il n'y a pas d'aménagement, cela est un terrain propice pour les incendies. Je suis dirigeant régional et technique forestal de Quercus, qui est l'Association nationale de conservation de la nature, c'est la meilleure association de défense de l'environnement en Portugal. Donc, je suis dirigeant régional de Quercus, qui est la plus grande association de défense de l'environnement au Portugal. Donc, je m'occupe beaucoup de la forêt nationale, de la question de la politique des forêts, des incendies. À propos de la forêt de Leria, qui apparemment était une vieille forêt qui avait 700 ans, donc c'était une forêt vraiment avec, j'imagine, beaucoup de biodiversité. Comment elle a pu flamber aussi facilement, Domingos Patajo? É uma boa questão. A questão que está a falar é muito parecida com o sítio onde estamos agora. Aqui são terrenos privados, o caso da Mata Nacional de Leiria. Votre question est une bonne question. De toute façon, l'endroit où nous nous trouvons à présent ressemble beaucoup à la forêt de Leiria. Oui, en effet, la forêt de Leiria existe depuis le 12e ou le 13e siècle, au moment où elle a été plantée. Il s'agit de pins sauvages. Ce sont des zones qui étaient gérées au départ, mais ensuite, avec la crise, il y a eu une réduction de l'investissement public. Era interessante do ponto de vista da biodiversidade, mas como en termes de biodiversité, oui, il y avait certaines espèces, mais Pas tant que ça, donc ce n'était pas trop la question de la biodiversité qui se posait ici, mais c'était une forêt très importante à cause de la protection, puisque cela se trouve à côté de la mer, et elle avait une fonction de protection des sols et une fonction aussi récréative, puisque les gens de la région s'y promenaient. C'était également une zone de grande production de bois, et là, malheureusement, il va falloir attendre 50 ans pour pouvoir obtenir des pins qui font au moins un demi-mètre et pour que la forêt puisse reprendre. Le problème est que há certas situações que não são leis só para a floresta. Tem que ser le problème ici, c'est qu'il y a des petits terrains. Certains terrains font un demi-hectare ou moins. Donc, les lois doivent vraiment prendre en compte la question du réaménagement du territoire comme un tout. Sinon, cela ne sera pas suffisant. Tem que ser mais longe. En ce qui concerne les changements climatiques, en effet, ils ne provoquent pas les incendies, mais ils rehaussent cette situation. Et cette année, en effet, il y a eu la situation de l'ouragan Ophelia, qui a associé des vents forts à la sécheresse qui existait au Portugal, et donc il y a eu une propagation beaucoup plus rapide des incendies. Donc en 2016, le gouvernement justement a commencé à adopter ces mesures en 2016, puisqu'en 2016 il y a déjà eu des grands incendies de forêt. Donc ils ont mis en place un programme de réforme de la forêt qui va être donc développé cette année suite aux autres incendies. Un des principaux problèmes, c'est que la structure du territoire est très fragmenté. Par exemple, ici dans cette région, vous regardez la forêt autour de vous, vous avez l'impression que c'est la même chose, mais ce n'est pas vrai, puisque la moyenne ici de propriété est de 0,1 hectare. Alors, étant donné qu'un terrain de foot fait 1 hectare et que la plupart des terrains ici ont moins qu'un demi-hectare, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a suffisamment de quoi construire une maison, mais en termes de forêt, c'est vraiment très peu. Il y a une situation qu'on ne constate pas ici, qu'on va le voir plus loin, c'est la situation des eucalyptus. Une des questions qui se voit dans cette area du pays, en grande partie de la zone centre, centre et nord, est que les pinhais, qui era a vegetação qui existait il y a alguns séculos, c'est une zone où il y a eu des pins qui existent depuis plusieurs siècles, et quand les pins brûlent, ils sont coupés. Normalement, ils sont remplacés par des eucalyptus. Le problème des eucalyptus, c'est qu'ils sont beaucoup plus inflammables que les pins, notamment en raison des huiles essentielles qu'ils contiennent. Et il y a le problème de l'incandescence. Par exemple, quand ils brûlent, il peut y avoir un risque de projection, c'est-à-dire que le feu part à d'autres endroits. Il y a des espèces de projectiles de parties d'eucalyptus qui sont projetées sur d'autres terrains qui prennent feu, et cela va provoquer de nouveaux fronts d'incendie. Et le gros problème c'est qu'il y a justement beaucoup d'eucalyptus qui sont abandonnés, et maintenant ce qu'il faut absolument mettre en place, c'est évacuer les villages qui se trouvent à proximité des forêts d'eucalyptus. Avant on ne le faisait pas, mais maintenant il faut absolument évacuer les villages. Et le problème des eucalyptus, c'est qu'il faut vraiment très bien gérer cette situation des forêts d'eucalyptus. Donc où on est exactement ici, Domingos Patacho? Nous sommes ici à Casal de São Simão, c'est un village donc ici à la limite de l'incendie de Pedrógão. Nous sommes ici au bord d'une rivière, nous pouvons constater que l'eau est grise. De toute façon, je m'attendais à pire, je m'attendais à ce que l'eau soit complètement opaque, mais le fait qu'elle ne soit pas totalement transparente nous démontre clairement qu'elle a été contaminée par les cendres. Et le problème avec les cendres, c'est qu'elles vont contaminer la ligne d'eau. Ce ruisseau va déboucher jusqu'au barrage de Castel de Bode, qui est un barrage très important qui dessert 3 millions de personnes. Donc c'est vraiment un impact considérable. Alors, on va revenir sur le chemin qu'on a fait, justement cette fameuse route, ces fameux gendarmes donc, qui ont indiqué aux populations d'aller se réfugier dans une direction et qui se sont retrouvés piégés par les flammes. Donc nous sommes dans la zone de Pedrógão Grande qui a brûlé le 17 juin et où 65 personnes ont péri. Et justement, il y a eu une grande polémique parce qu'il y avait des personnes qui étaient en train de circuler en voiture sur la route IC8. La route IC8 a été coupée par les gendarmes. Leur intention était de sauver les personnes et les voitures ont été acheminées vers une autre route. Et la 236-1 et la 47 personnes ont trouvé la mort. Les gendarmes ont été très critiqués, mais je pense qu'ils n'avaient vraiment pas la coordination suffisante. De toute façon, ils ne se rendaient pas compte de l'ampleur de l'incendie. Il aurait fallu une coordination aérienne qu'il n'y avait pas. Il n'y avait qu'un seul hélicoptère qui survolait la région en ce moment et ils ne disposaient pas d'informations suffisantes pour pouvoir procéder correctement. Peut-être, Irène, vous pouvez nous résumer l'histoire, comment ça s'est passé, effectivement, ces gens qui ont été envoyés d'un côté plutôt que de l'autre. Les gens ont été complètement piégés par le feu, ils ont voulu fuir le feu, ils se sont sentis complètement bloqués et en partant sur l'autre route, ils n'ont pas eu de chance de s'en sortir. Des familles entières, des parents, des enfants qui se sont trouvés piégés dans les voitures et qui ont été complètement rattrapés par le feu et qui sont morts brûlés, des familles entières. J'imagine les gendarmes actuellement sont quand même se sentent responsables de cette situation. Ils n'avaient pas assez d'informations pour savoir qu'ils envoyaient les gens à la mort. Non, ils ne savaient pas et on sait qu'aujourd'hui ils souffrent de problèmes psychologiques du fait d'avoir envoyé des gens à la mort sans le savoir et sans pouvoir prévoir et sans qu'il y ait de coordination et de consignes précises sur ce qu'on devait faire par rapport à ce feu qui a été d'une ampleur considérable et inattendue. Sur ces familles comme ça piégées dans leur voiture, ça représentait combien de personnes ? 47 personnes sont mortes sur la route 236-1. Je résume la situation. On est là avec Jacob Kaiser, qui est hollandais et qui enseigne en fait au Portugal, qui étudie notamment la nature des sols et qui est spécialisé sur les problèmes de ces sols, comment ils vont réagir après les incendies. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va nous faire des démonstrations pour voir comment pouvoir réutiliser ces sols après des incendies et comment faire de la prévention aussi. Pour éviter les prochains incendies, tout simplement. Alors là, il est suivi par toute une troupe d'étudiants qui viennent justement en apprendre un peu plus sur les possibilités de prévention et d'anticipation. On s'enfonce dans un petit chemin de terre, très en pente. Comme le temps est humide, là, il pleut, donc c'est assez glissant et boueux. Et on va aller vraiment dans une zone où il y a eu ces fameux incendies des derniers mois au Portugal. Oui, ces arbres grillés, comme ça on dirait une forêt d'allumettes, c'est terrible. On voit juste des pauvres troncs tout gringalés avec les feuilles qui tentent de repousser tant bien que mal là où elles peuvent, mais des endroits qui restent définitivement carbonisés. Le professeur, on ne peut pas le rater parce qu'il a une parka jaune banane, je dirais, avec un bonnet rouge un peu à la Cousteau et, et des chaussures de randonnée. Donc là, on est équipé pour s'enfoncer dans la forêt. Ah, il est en train d'escalader une petite butte sur le côté, au milieu des arbres. Il va nous faire une démonstration, il y a du matériel, une sorte de tableau en plastique noir avec un petit chevalet qu'ils ont bricolé. Oui, là il y a des troncs qui ont brûlé, une bâche qu'il a mise au sol. Voilà, donc on ne sait pas ce que c'est, ils ont mis un petit dispositif. Bonjour à tous, merci d'être venus. Le but de cette visite sur le terrain est de vous rappeler les mesures qui ont été prises et qui ont été prônées au cours de notre dernier workshop. Et donc, je voudrais vous montrer leur efficacité après les incendies et l'efficacité au niveau de la réduction de l'érosion. Donc, je vais aller voir et faire le tour d'une parcelle pour que vous ayez une idée de la dimension de la parcelle. Il y a 2 mètres sur 8, plus ou moins. 2. Donc, j'enjambe, je compte les mètres. Voilà, je compte les mètres. Ils s'enfoncent dans les buissons, là où ça a été calciné. Ceux qui veulent monter jusqu'ici, en tout cas qui sont courageux au point de le faire, vont être mouillés parce qu'il pleut beaucoup ici en haut. Ici, sur cette partie finale, nous avons une toile par terre qui recueille les sédiments et ensuite nous les en transportons dans les sacs jusqu'au laboratoire. Ce sont des surfaces qui sont petites, mais qui nous donnent une bonne idée de l'érosion des sols. On a fait du mulching avec des quantités normales et ensuite on a fait avec peu de mulch. Ce sont des débris de coupures d'eucalyptus, c'est ce que l'on vend pour les centrales de biomasse. Nous avons acheté une tonne de ça à Albergaria et nous avons payé 30 euros, donc c'est le prix normal d'achat. Quelqu'un nous a dit qu'on s'était fait arnaquer, c'était même trop cher, c'est parce qu'on est de l'université, ils nous ont pris pour des idiots. Donc nous avons utilisé 9 parcelles avec 100 mulch, avec peu de mulch et d'autres avec beaucoup de mulch. Nous sommes des scientifiques. Les questions que vous nous posez, nous essayons d'y apporter une réponse. Nous voyons quel est l'impact et quelle est la réponse possible. Et vous devez savoir, vous devez décider quelles sont les techniques de gestion qui sont viables pour vous. Je vous comprends parfaitement quand vous dites il n'y a plus de personnel, il faut utiliser des machines pour avoir du rendement. Cela s'est produit dans l'agriculture et cela va se produire également au niveau des forêts. C'est des machines, par exemple, qui enlèvent les branches, qui enlèvent les écorces. Tout est coupé sur mesure. Il y a des petits monts qui sont formés. Évidemment, c'est déjà très mécanisé, c'est très automatisé. Mais moi, je ne suis pas gestionnaire des forêts. Personne ne veut travailler les forêts, sauf si elle est mécanisée. Il est très difficile de trouver du personnel pour travailler dans les forêts, même en les payant bien. Oui, je comprends. Dans ce secteur, je vois que c'est très difficile au niveau du travail manuel. C'est très difficile. Ce n'est pas n'importe qui fait ce genre de travail parce que c'est un travail très dur, physiquement parlant. Il y a des questions? Vous avez les pieds mouillés? Est-ce que quelqu'un veut monter? Il faut savoir que voilà, là, la pluie nous nargue, on n'arrête pas de parler d'incendie et d'aridité et de sol qui s'érode, mais en fait là on est tous détrempés complètement. Je suis habituée à la pluie, vous inquiétez pas. C'est de la pluie hollandaise. Cela ne provoque aucune érosion. Dario, vous êtes donc un spécialiste du combat contre la désertification et vous travaillez comme référent pour l'ONU de tous les pays méditerranéens, ceux du sud de l'Europe, donc le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, etc. Et donc, vous avez trouvé la démonstration du professeur Kaiser très intéressante. Exactement. La question est que nous n'avons pas... Oui, exactement. Je pense que la présentation du professeur Kaiser a été très intéressante parce que nous n'avons pas beaucoup de locaux où nous pouvons faire ce genre de référence et prendre ce genre de mesures pour les études. Et je pense que cette mesure est assez proche de la réalité, illustre bien le phénomène d'érosion. En ce qui concerne le facteur de dégradation des sols, la perte de sol, l'érosion est la question la plus importante, la plus grave, la plus essentielle. essentiel parce qu'il y a cette peau qui recouvre le sol et c'est une question très importante. Sans cette peau, le sol perd les aliments, perd la biodiversité et perd ses fonctions vitales. Donc, avec cette présentation, on voit en effet ce qu'on peut gagner, ce qu'on peut perdre et ce qui se produit avec la peau du sol. Et quand cette peau disparaît, alors le chemin de la désertification s'ouvre parce qu'il y a une perte de production à tous les niveaux. Et c'est vraiment le point essentiel et le début de la désertification qui se définit justement par une perte totale de possibilités de production. Lucio de Rosario, est-ce que vous pensez que les pays du monde arrivent vraiment à anticiper les bouleversements climatiques qui se profilent à l'horizon ? Et quelles sont les actions concrètes qu'on va pouvoir mettre en place ? Todos os 68 partes, países parte da Convenção de Combate à Desertificação estão a trabalhar intensivamente. Dans tous les 168 pays qui sont concernés par le combat à la désertification, qui travaillent dans le monde, évidemment qu'il n'y a pas simplement cette région qui va du Portugal jusqu'à Israël. Nous avons le bassin méditerranéen, certes, mais nous avons également l'Amérique latine, l'Afrique subsaharienne et les USA qui sont concernés par cette question. C'est une question dramatique qui subsiste, mais moi, j'ai de l'espoir. Je pense qu'on peut vraiment changer la donne. O ponto central nodal desse combate passa neste momento no âmbito de um desafio que nos foi colocado no âmbito da Agenda 2030 das Nações Unidas e que se chama Land Degradation Neutrality. D'ailleurs, c'est ce qui a été lancé par le défi 2020 des Nations Unies par le biais du programme de la neutralité de la dégradation des sols. Et je pense que la grande question ici est de penser globalement, mais d'agir localement. De telle forme que, pour produire ce qui est essentiel à la survivance humaine, nous ne dégradons plus le sol, au contraire. Donc, la question, c'est de ne pas dégrader davantage les sols et au contraire, de récupérer les sols qui sont dégradés pour que cela puisse redevenir productif et pour qu'on puisse enfin reproduire ce qui est essentiel à l'homme. La majeure partie de ces défis et de ces interventions sont développées en processus largement participatifs. La plupart de ces défis sont relevés dans le cadre donc de la Convention contre la lutte de la désertification et je pense qu'après 2007, de grandes mesures ont été prises et je pense qu'il y a eu de grands changements parce que d'une part, la société civile au niveau des organisations est impliquée et de plus en plus et d'autre part, il y a aussi l'implication des organismes des sciences et de la technologie. À cela, nous pouvons allier les bonnes pratiques et également des pratiques innovatrices qui sont mises en place. Et nous avons repris également des bonnes pratiques qui étaient utilisées par le passé, qui ont été oubliées pendant longtemps. Nous les reprenons maintenant et nous les adaptons à notre lutte actuelle. Il y a beaucoup d'exemples. Nous accordons également une attention particulière, par exemple, aux cueillettes, à l'eau dans la région de la Méditerranée, au traitement des sols. Et nous portons également une attention particulière au choix des cultures. Nous essayons de choisir la culture la plus adaptée à chaque région. Et nous accordons également une grande importance à l'application des femmes et des jeunes dans cette nouvelle organisation. Donc, je pense qu'à partir de 2007, il y a davantage d'implication et de développement. Et donc cela fait 10 ans que les choses sont en train de changer et moi je vous dis, je garde toujours espoir et je pense qu'on va pouvoir contourner la situation et changer la donne. Lucio de Rosario, on peut dire que avec la perspective des bouleversements climatiques, ces phénomènes d'érosion vont s'aggraver encore dans toute l'Europe du Sud. Est-ce que ce sont les mêmes problématiques qu'on a à résoudre qu'ici au Portugal au lendemain de ces incendies ? Exactement. Grosso modo, e do ponto de vista climático, a suscetibilidade à erosão mede-se pela extensão das áreas com índice d'aridez. Exactement. Si on compare la susceptibilité d'érosion du sol, nous constatons qu'il y a de plus en plus de surfaces arides. Quand on atteint un certain seuil d'aridité, qu'est-ce que c'est que le seuil ou le taux d'aridité ? C'est le bilan entre la pluie et la sécheresse. Et donc, nous atteignons un taux d'aridité qui est beaucoup plus susceptible. Comme susceptible, que nous disions en Portugal para o período de 60 a 90, 30 anos, que tínhamos 36% do território. Pour vous donner un exemple, entre les années 60 et 90, c'est-à-dire pendant 30 ans, 36% du territoire était soumis à une possibilité de désertification, alors qu'à partir des années 80 et jusqu'en 2010, c'était 58% du territoire qui était susceptible de subir une désertification. C'est-à-dire qu'on est passé d'un tiers à pratiquement 60% du territoire. Et nous pouvons vous dire que ici, cette région est une des zones les plus susceptibles de désertification, parce que sans politique sérieuse et sans soins, la perte de capacité de production est énorme. Et quand je vous parle de capacité de production, c'est de la production de vie. Les températures augmentent, elles esbroient en pó et pour vários motifs, pela erosão, quer hídrica, quer éolica ou autre, vai desaparecer, et à partir du moment où disparaît, aquilo que fica é rocha maior. Parce qu'avec l'augmentation également des températures, le carbone du sol se défait, mais le carbone est capable de normalement de faire une agrégation, mais quand les températures sont très élevées, il y a une érosion hydrique et une érosion même éolienne, et donc avec cette perte et ce taux d'aridité remarquable, surtout autour de la Méditerranée, au nord de la Méditerranée, basiquement entre le Portugal et jusqu'à Israël. Ce sont des modèles qui sont soumis à de grands changements climatiques et c'est le point le plus compliqué de la question de base. Il y a des changements au niveau de la végétation et il faut vraiment agir sur ces questions-là. Commandant Francisco Lima, c'est vrai qu'il y a toute cette dimension locale. On voit, on peut effectivement agir de manière très selon les régions et les lieux, mais on a aussi le niveau mondial, puisqu'on peut quand même imaginer que même si les incendies existaient auparavant, c'est quand même des phénomènes de changement climatique qui aggravent en fait l'impact de ces incendies, puisque là c'était un peu du jamais vu. Ce qui veut dire que les années à venir, on peut se préparer peut-être à une amplification encore des phénomènes. Donc là, on ne pourra pas dire « Ah ben oui, mais on n'avait pas vu venir ». Là, j'étais très contente de voir sur les crêtes qui dominent le village des éoliennes, qui sont aussi une des solutions d'ampleur mondiale pour la réduction des gaz à effet de serre, dont on sait très bien que c'est quand même une des causes de ce réchauffement climatique et qui... Il faut peut-être commencer aussi par penser au niveau planétaire. Em relação às alterações climáticas. Donc en ce qui concerne les changements climatiques qui sont indéniables, il faut que la lutte, c'est-à-dire la lutte qui nous concerne, le combat des incendies, s'adapte à ces modifications. Je pense qu'on doit être davantage préparé, d'avoir davantage de connaissances des situations, des prévisions climatiques et du combustible. É conforme digo, no que diz respeito e àquilo que eu tenho que responder, é como comandante de corpo de bombeiros. E o corpo de bombeiros, a nossa parte é o combate. Ce qui me concerne, moi, c'est la lutte en tant que pompier. Donc, c'est le combat des incendies, c'est de ce dont je vous parle. No que diz respeito à l'émission de gaz, nós temos conhecimento, mas é de uma forma geral, ainda é uma matéria muito pouco abordada nos bombeiros. Et conforme non est muito falado en ce qui concerne les gaz à effet de serre, nous, en tant que pompiers, on a une idée très générale de ce qui se produit parce que c'est une question qui n'est pas encore très abordée au niveau des pompiers. Ce qu'on nous enseigne, c'est vraiment à nous adapter au changement. Portugal 2017, face aux incendies. Avec Domingos Patacho, de l'ONG Quercus, Jacob Kaiser, chercheur hollandais, Sylvie Coimbra, Antonio Dias, Anabela Santos, Monsieur et Madame José Nogueira, Francisco Lima, commandant des pompiers volontaires de Santa Cruz da Trapa, Lucio do Rodario, représentant des Nations Unies pour le combat contre la désertification dans le sud de la Méditerranée. Traduction, Irène Leclerc-Douarté. Prise de son, Romain Luquiens. Mixage, Stéphane Desmonts. Réalisation, Doria Zénine. Un documentaire de Lydia Benitzrach.